rabot, elle était moche. La plus Marcel, elle Nicole. On avait des tronches qui approchent, on s'est connus dans la rigole. 16 piges pour un cambriolage, on a piqué l'argent des cons. On s'est barré sur un nuage, sur les deux ailes de Cupidon. Elle trop conne, pour être riche, pour être Lupin. On a préféré la déconne, on a préféré les copains. On est retourné dans la rue, avec nos sacs, avec nos chiens. Nicole m'a dit qu'elle m'aimait plus, elle s'est maquée avec Lucien. Ma solitude, mais j'étais toujours aussi con. L'amour c'est comme les habitudes, on marche en courant, on tourne en rond. Alors j'ai chanté dans la rue la poésie du macadam, pour les passants, pour les cocus, pour les jeunes filles et pour les dames. Et ma pince, monseigneur, contre une tête seule et une guitare. Les gens m'ont pris pour un des leurs, je suis devenu le prince ringard. Depuis je promène mes idées noires, je chante l'amour, je chante la mort. Ma gueule d'enflure sur le trottoir, et une fille dans chaque pomme. Et ma pince, monseigneur, contre une tête seule et une guitare. Les gens m'ont pris pour un des leurs, je suis devenu le prince ringard. Depuis je promène mes idées noires, je chante l'amour, je chante la mort. Ma gueule d'enflure sur le trottoir, et une fille dans chaque port.